Planet Rap. Planet Rap. Planet Rap. Planet Rap. Planet Rap. C'est l'émission rap de référence sur Skyrock. 20h-21h. Ladies and gentlemen, ce soir, Blacko. C'est Planet Rap Blacko sur Skyrock. Passez une bonne soirée, bienvenue. C'est parti pour le Planet Rap en direct. Comme chaque soir, il est là, Blacko, en pleine forme. Comment on est là. Ouais, super. En pleine forme. Journée bien, journée noire, journée blanche aujourd'hui. Journée, la dualité était comment? Journée plutôt clarifiée. Plutôt clarifiée. Ouais, c'est cool. Bon, tout va bien. On va donc conclure cette journée dans le Planet Rap. Voilà. Avec, je vois quelqu'un qui est arrivé avec une guitare. Il y a monsieur Cubix qui est là. Cubix qui est là avec nous, qui va t'accompagner à la guitare tout à l'heure. Un big guitariste. Pour ceux qui connaissent un peu, qui m'ont suivi dans différentes vidéos à travers le reggae, on a déjà fait des collaborations, tout ça. Donc voilà, il est là. On va se faire une petite vibe guitare voix encore. D'ailleurs, cette tournée qui continue, et notamment une date à la Cigale à Paris, il y a des musiciens aussi qui t'accompagnent. Ouais, c'est avec des musiciens. Des musiciens, ouais. Donc Cubix qui sera là aussi. Il y a Mouloud, il y a Yovo, et à la batterie, qu'on me renseigne un peu. Là, il est où, Mondrikis ? Edwin, je crois. Edwin, voilà. Oh là là, ouais, mais moi, j'ai du mal avec tous les noms. Et Raïs, il est sur la tournée aussi ? De temps en temps. Ouais, parce qu'on va faire parfois en live, parfois DJ, il sera là. Mais à la batterie, tu y es pas ? Parce que je sais que. Non, parce qu'en fait. Mec, je sais que tu joues, quoi. Ouais, mais par rapport aux dates et tout ça, c'est un peu compliqué pour moi d'être tout le temps présent. Voilà. Donc, je préfère. Le gars, il demandait. Voilà, c'est le roi. Entre 2-3 soirées un peu partout. Dans le monde entier. Ça va bien, Ray, je t'ai même pas demandé. Merci, tout va très bien. Plus on s'approche de la sortie, toi, ton petit mot justement sur Dualité, sur cet album de Blacko que tu as fait, vous avez fait en commun, parce que t'es pratiquement présent sur toutes les prods. Ouais, bah écoute, ça a été un très bon moment, et je pense que. Après, comme je te dis, moi j'ai essayé de le suivre aussi dans son trip. Tu vois, lui, il m'a suivi aussi de son côté, mais j'ai essayé de comprendre où il voulait aller surtout. C'est surtout ça, la force d'un compositeur, c'est de comprendre. Et tu as compris? On espère en tout cas. Et c'est un gros bosseur, c'est un gros mélodiste, donc je suis content que je travaille avec des mecs comme ça. Tiens, dites-nous, depuis lundi, on a quand même balancé pas mal de morceaux depuis lundi, je tiens à dire, parce que ça sort le 6 novembre. Et dans ma tête, moi en fait, le 6 c'était la semaine prochaine, mais non, faudra encore patienter en faut fait. Faut encore patienter. Eh, moi je voyais ça le 6, mais non, faut et patienter encore une quinzaine de jours avant. Ça va arriver vite. Ça va aller vite, très vite. Et c'est vrai qu'on a balancé pas mal d'extraits depuis lundi. Dites-nous un petit peu vos morceaux préférés avec le hashtag Blacko sur Skyrock. Ça arrive direct dans le studio. Les morceaux que vous avez peut-être envie de réentendre aussi, qu'on a pu passer, que tu as fait en live. Ouais. Et on débute avec Équilibre. Allez, c'est parti. C'est parti, toujours. Équilibre. Go. La Zénitude. Lequel je cherche l'équilibre. Elle n'est pas un long fleuve tranquille. Dès la naissance, c'est un combat qui se livre. Vivre, c'est apprendre. Être libre, c'est comprendre qu'il n'y a que la foi qui délivre. Et personne n'est parfait. Des mauvais choix, j'en ai fait. Je sais, j'en ai conscience, mais je ne vis pas dans le regret. Je ne suis pas un ange. Non, je ne suis pas un démon. Seul Dieu et mes véritables proches savent si mon cœur est bon. Je cherche l'équilibre entre le bien et le mal. Je n'ai qu'une vie à vivre. Je veux profiter avant le décollage final. On est tous à la quête du bonheur. On cherche tous une vie meilleure. On oublie souvent que la richesse première est intérieure. L'âme a une valeur. À moi d'écouter mon cœur. Je sais que Babylone fera tout pour m'induire en erreur. Si je veux rester solide, je dois continuer à aimer, garder l'esprit lucide pour ne pas laisser la colère m'aveugler. Prends ce que tu te donnes, donne, sans attendre qu'on te donne, donne le meilleur de ta personne. Moi et celui qui pardonne, rappelle-toi que tu n'es qu'un homme avant que ta dernière heure sonne. Libère ta conscience. Fais confiance à tes sens. Le malin voudra te tromper, te fie pas aux apparences. Regarde, tout a un sens. C'est comme une évidence. Je ne suis qu'une poussière d'étoiles dans un univers immense. Je cherche l'équilibre. Et si Dieu veut, je l'obtiendrai. Mon âme dans sur un fil. Et si Dieu veut, je tiendrai. Je garde les pieds sur terre. après mon esprit aime s'évader. Entre l'ombre et la lumière, je pars, oui je me laisse aller. Je laisse mon âme se balader au cœur de l'infini. La vie ne tient qu'à un fil sur lequel je cherche l'équilibre. Elle n'est pas un long fleuve tranquille. Dès la naissance, c'est un combat qui se livre. Vivre, c'est apprendre. Être libre, c'est comprendre qu'il n'y a que la foi qui délivre. Le 6 novembre, dualité. Ah, mais oui, oui, oui, mais oui. Voilà, la zénitude. Toujours, la zénitude. Toujours commencer par ça. Comme ça, c'est cool. C'est bien, on est posé après. C'est vrai que. Tu vois, petit jardin zen, là, petit truc sympa. Posé peut-être à la maison pour vous aussi, tranquillement. Voilà, ouais. C'est toute détente, tu vois, pour calmer un peu les gens. Tu vois, d'habitude. Dans la voiture, tiens, ceux qui sont dans les embouteillages, ça, c'est parfait. Voilà, voilà, parfait. C'est-à-dire que là. Comme ça, on reste calme, là, on reste zen. Là, c'est voilà, c'est cool. Équilibre. Voilà. Blacko avec nous entre 20 et 21. On va continuer aussi à découvrir cet album, à parler de cet album. Je regardais un petit peu les messages qui reviennent et les morceaux. Je suis qui je suis, beaucoup demandé. Je suis ce que je suis. Je suis ce que je suis, pardon. J'ai vu le mur du silence. Qu'est-ce que j'ai vu encore ça a défilé depuis. Ouais, bon, on va balancer des. J'ai vu Rêveur aussi, moi, qui est pas mal passé aussi. Ouais. Donc, SOS, on nous dit. SOS aussi qui ressort. Ouais, c'est cool. Dites-nous un peu vos morceaux, les morceaux de Blacko qu'on découvre cette semaine entre 20 et 21. Yeah. C'est un album qui sort donc le 6 novembre, qui est en précommande maintenant. Et je vous dis ça, en plus, il y a des morceaux déjà, voilà. Donc, c'est-à-dire que accroché à mes rêves, c'est ça. Ah, ouais. Vas-y. Le temps est compté. Bien. Que Dieu me pardonne et équilibre. Parfait, ça c'est les morceaux que vous avez maintenant. Tout de suite. Voilà. Vous commandez l'album. Maintenant, il commande, il a ça direct. Voilà. Ça c'est quand même un bon plan. Et dès que ça sort, boum, tout arrive. Et bang. Heureusement encore. Oui. Ouais, t'imagines la carotte. Finalement. Finalement, il y en aura 4. Bon, je rappelle aussi que depuis hier, vous apportez vous-même vos disques d'or, vos disques de platine à Blacko. Il suffit d'appeler une ligne directe. Voilà, c'est la ligne directe 06 71 74 84 15. C'est le portable de Planète Rap qui sonne, qui n'arrête pas de sonner. Ouais, ça sonne. Tu veux jouer un petit si tu as envie de prendre, vas-y, vas-y, comme tu le sens, Blacko. Allez, c'est parti. 06 71 74 84. Allô, bonsoir. Ouais, Blacko. Ouais, cool. Il est là ou même? Ah, quelqu'un en voiture, à mon avis. Ouais. C'est un frère à la Réunion, ça. Quoi, ça? Bon courage, hein, pour ta femme. Ben, merci à vous. Fais-moi plaisir, ça. Ouais. Bon, j'essaye. Ça dans l'auto. Où les donne l'auto, ou là? T'as vraiment le droit, Raïman, pas ce n'est. Et Raïs, tu traduis, s'il te plaît. Ah ouais, Raïs, c'est un Réunionnais stagiaire. Ouais, t'inquiète, il est là, il est bon. Il est dans l'auto. Ouais, ouais. Mais en tout cas, il fait moi plaisir, frère. C'est bon, on retrouve ça. Ça me fait force plaisir. Force à vous, hein. Force à toi. Il était dans la voiture après, ouais, tu vois, on parlait de voiture, voilà. Et tout. Mais il était dans la zénitude, un frère à la Réunion. Big up à toute la communauté réunionnaise, 974, Guada aussi, Madinina, Guyana. T'en reviens là, il n'y a pas très longtemps. Ouais, on y était pour le festival Florilège, c'était la semaine dernière. Ouais. Et c'était plutôt sympa. Il y avait quoi, 7-8 000 personnes. Et voilà, c'était super cool, bonne vibe. Ouais, franchement. C'est bien amusé. Ça fait, big up à tout le public de là-bas. C'est la première fois aussi qu'on y va dans l'année. Là. Ah, je sais pas, mais on y va. Là. Et tu vas, ouais. En même temps, c'est vrai que la Réunion, tu l'as découverte tard, ouais, en fait. Hein. Je l'ai découvert avec quand le premier sniper ça a pu marcher, qu'on a reçu nos premiers sous un peu. Bah, j'ai pu voyager, découvrir mon île et depuis, bah, je cours. Je rattrape le temps perdu. C'est la toute première fois justement où t'as mis les pieds à la Réunion. Ouais, j'avais 21 ans, je crois. Le souvenir que t'en as, C'est pas des couleurs, des odeurs particulières. C'est surtout la sortie de l'aéroport, là, quand tu prends la montagne dans la tête. Ouais, des couleurs, le bleu, le vert, Voilà, j'ai compris que elle et moi on était liés et que voilà, notre histoire elle faisait que commencer ce jour-là. Voilà, la Réunion, on le salue à chaque fois, en tout cas je le dis souvent dans Planète Rap, c'est évidemment une des régions de France, mais en tout cas où il y a un métissage qui est assez incroyable. Ouais, t'as une communauté tamoule, t'as une communauté noire, t'as des blancs, t'as des arabes, t'as des chinois. Quand on parle justement ici, parfois en métropole de tension entre tout le monde, ouais, t'as une on ferait église, bien d'aller jeter mosquée, un œil, un temple indien. En même temps, ça s'appelle la Réunion, donc bon. Bah, c'est vrai que c'est si c'était la division. C'est Donc ouais, c'est cool. Pour les gens qui connaissent pas, si vous avez l'occasion d'y aller, allez voir et tout, c'est plutôt pas mal. Et on salue donc tout le 974 Alexis. Boum boum boum, mais quoi pas autres toutes. Ah là, je vois plein de messages de gens qui t'envoient de la force aussi. Alors ils sont peut-être pas forcément à La Réunion, mais ils sont ici en métropole et, ouais, et ils t'écoutent depuis un sacré moment. On va remettre un autre morceau maintenant. Braco. Allez, moi je suis pour un Ainsi va la vie. Ainsi va la vie. Ouais. Tu veux qu'on balance ce morceau? Ouais, c'est bon, là. Pourquoi ouais, particulièrement ouais, maintenant Parce que comme ça. Parce que Ainsi va la vie. On l'a pas écouté encore. C'est encore un inédit. C'est voilà, un titre on l'a inédit. Pas mis, on l'a pas voilà, encore on l'a pas mis. Ainsi va la vie. Et la prod, c'est Rice qui est sur le coup. Ouais. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Contre toute attente, je crois bien. Allez, on le balance maintenant. Let's go. Dans l'infini, destination indéfinie. Je prends ce que la vie me donne, je lui fais ma confiance d'or. Un sourire pour une arme versée, yeah. Ah, du bonheur pour une épreuve traversée, ah, oui. Un jour elle donne et l'autre elle prend. Le tout est de la prendre comme elle vient juste de la vie vraiment. Un jour elle te sourit, l'autre elle te fait mal. Ainsi va la vie. Elle est ainsi faite, aussi belle que sale. Ainsi va la vie. Ainsi va la vie. Une âme rejoint le ciel, étoilé. Tandis qu'une autre joint nous renaît. Rire ou pleurer, réalité. Faut s'y faire car ce monde est ainsi fait. Le bonheur face au regret, yeah. Ah, la colère face à la sérénité, oh, oh, oh. Il faut juste la vivre avec ses bons et mauvais moments. Et quoi qu'il arrive, profitez de l'instant présent. Ainsi va la vie. Un jour elle te sourit, l'autre elle te fait mal. Ainsi va la vie. Elle est ainsi faite, aussi belle que sale. Ainsi va la vie. Étoilé, oh, tandis qu'une autre joint un nouveau né. Yeah, yeah. Rire ou pleurer, réalité. La vie est une dualité. Yeah. Le synonyme dualité. Wow, wow, wow. C'est des défaites. Vis la vie comme elle tient, yeah, man. Avec ses beaux et ses mauvais moments. Live your life, yeah, vis ta vie. Mais vis la vraiment. Ainsi va la vie. Un jour elle te sourit, l'autre elle te fait mal. Ainsi va la vie. Elle est ainsi faite, aussi belle que sale. Ainsi va la vie, yeah. Ainsi va la vie, yeah. Yeah, yeah, yeah. Ça c'est pour mes lions et mes lionesses, ceux qui ne lâchent jamais. Ainsi va la vie avec les épreuves qui viennent et qui vont. Mais on avance frère, et on lâche jamais. Where, where, where. Ainsi va la vie. Ainsi va la vie à l'instant, voilà. Blacko avec nous. Encore un petit brand new. Le hashtag Blacko sur Skyrock, je suis en train de dire aussi. Très bon son, moi j'adhère complètement à son état d'esprit à Blacko. Allez-y, eh ben, merci. Lourd le son, force à toi Blacko. Big up, peace à tous. Grosse force à Karl, le passé, le futur, dualité. Voilà, ben, ça fait plaisir tout ça. Message qui arrive pour toi, ouais, c'est justement cool. Avec plein de morceaux, plein de nouveaux morceaux aussi à découvrir chaque soir. Voilà. L'album arrive le 6 novembre. Pas oublié. Ça va, t'es détendu. Ouais, on est cool, bien. Très bien. On aura une preuve tout à l'heure parce qu'il y aura Diolex qui arrive. Parce qu'on dirait la parole d'être détendu. Bah si, pour la sortie, mais conscient, content, okay, du travail. J'ai capté, okay, bah oui. J'ai capté où tu veux en venir. Pourquoi ouais, tu pensais... un peu stressé avant la sortie, c'est ça que tu pensais. Ouais, c'est ça. Ouais, bah, c'est toujours ça. C'est toujours ça, tu peux pas l'enlever. Ça, c'est ça, toujours, ça restera. Il y a quand même une petite part de stress. Bah ouais, parce que tu. Et elle y est jusqu'au jour de la sortie quand même et des premiers résultats de vente, je pense, tu vois. Pour voir si ça prend ou si ça prend pas. Ça reste le suspense de la musique. Mmh. Et on aime ça, hein, donc continue. Qui le cru. Voilà, on reste accroché avec cette devise, quilucru.com. Quilucru.com. Tu prends ta souris, ton clavier imaginaire, tu cliques et t'es dessus. Voilà. Blacko avec nous. Et des choses se passent. Et du live aussi à pas louper dans Cubix. Cubix qui est ton guitariste qui sera sur la tournée avec toi. Ouais, c'est ça, exactement. À pas louper, c'est. D'ailleurs, les répétitions, tout est fini aussi sur la tournée où tu là, continues on est à bosser là. On est en plein dedans. Les musiciens sont en train de s'accorder, tout ça, pour rejouer les prods de l'album. Et moi, j'y vais la semaine prochaine. Et on va tous s'accorder ensemble, on va accorder nos violons comme on dit. Et... Le fait d'avoir des musiciens justement sur scène, ça a été aussi pas. Bon, c'est pas nouveau, hein, t'as joué avec des musiciens, mais. C'est l'expérience reggae qui m'a emmené ça. Mmh. Et j'avais emmené ça aussi avec Sniper, on avait fait notre dernière tournée, on l'avait fait avec des musiciens. Parce que c'est moi, j'avais dit, venez, Zico, c'est bon, c'est un autre feeling encore. Et depuis que j'ai goûté à ça, moi, je trouve. C'est pas qu'avec un DJ, c'est triste parce que Raizé va dire bon, je me casse. Allez, bonsoir. Mais c'est vivant, quoi, tu vois. Il y a des trucs que tu tentes, ouais, parfois, même avec les musiciens, tu les lances sur un truc. Mais moi, déjà, je tente, qu'il y ait des musiciens ou pas, je tente toujours des choses sur scène. Je pars dans des impros, dans des trucs qui sont pas prévus. Donc là, avec les Icos, ça va partir dans des. Donc buffs, faut dans suivre, des... quoi, ouais, c'est. Faut être bien attentif. Voilà, exactement. Mm. Moi, c'est ça. Et c'est même là que je prends des fois plus mon pied sur scène parce que toujours faire un truc prévu. L'imprévu, des fois, c'est pas mal. Justement, de ce passage dont tu parlais avec Sniper. Et puis ton évolution aussi, alors que ce soit en solo ou même avec le groupe, puisque tu nous disais la dernière tournée a été faite avec les musiciens, ça a été quelque chose de particulier, justement d'inclure les musiciens sur scène, de passer de statut juste le rap avec le DJ derrière. Les deux autres avaient une appréhension, tu vois, par rapport à. Ils me disaient, oui, mais les instrus c'est composé sur les MPC différents, ça va pas sonner pareil. Et quand ils ont écouté, ils ont été agréablement surpris, tu vois, c'est. Faut faire confiance, tu vois, nous des fois on y croit avec nos MPC, on se prend pour des musiciens. Mais quand tu vois des vrais musiciens jouer, c'est là que tu comprends que ouais, bon, finalement, j'ai encore du boulot avec mon petit clavier là. Bon, toi, on rappelle que oui, tu fais aussi des prods. Ouais, je compose un peu aussi. Tu composes ? Ouais, un peu de reggae, des instrus de rap. D'ailleurs, il y a des sons qu'on a fait presque ensemble. Ouais. Tu vois, des fois, il met une basse, des fois, il met. Non, c'est pas bon, je fais comme ça, ok. Ouais, j'aime ça, c'est une seconde passion, quoi. Après le chant, tout ça, j'aime composer, mais ça demande du temps aussi. Il faut passer du temps derrière les bécanes, tout ça. Donc avec mais toi, tu bosses quoi? Tu bosses pour le coup pas avec les musiciens quand tu fais des sons? Je bosse devant mon ordi, je mets Logic pour ceux qui connaissent et je bosse sur ça, je fais mes trucs. Et après, voilà, quand c'est des rythmes, après je les passe aux musiciens et ils rejouent ça. Et sinon, on laisse comme ça et on pose dessus, quoi. Bon, en attendant, pour l'instant, ce sera sur le prochain album. Ce sera sur le prochain album. Ouais. Où Era, il sera viré, on sait. Non, on va travailler ensemble. Bientôt, on va travailler ensemble. C'est ta soirée, Era, ce soir. On va en profiter. Avant de balancer la pub, avant de vous avoir aussi au freestyle, tiens, je rappelle deux, trois trucs. Pour faire le freestyle par téléphone, vous inscrivez 41759. Pour la roulette aussi, qui va tourner, inscription pour aller voir Youssoupha en tournée, 41759. Allez-y, 41759, le hashtag Blacko sur Skyrock. Et un autre morceau, je te laisse choisir parce qu'il y avait Ainsi va la vie, on avait le mur du silence qui était prévu, on avait Rêveur. Ouais, le mur du silence, j'aimerais bien encore. Mur du silence, ouais, comme quelqu'un l'a demandé là. On va... Ouais, il fait partie des morceaux qui reviennent le plus. Qui sont sortis, donc on va balancer celui-là. Donc le mur du silence, c'est extrait du projet de Blacko qui sort le 6 novembre. Boum, boum, boum! Je n'ai que 8 ans et mes parents se séparent. Je suis mon père ou ma mère, c'est pas évident, non. Moi je ne suis qu'un enfant. Si je pouvais faire en sorte qu'ils restent ensemble. Et là j'ai bien peur que l'un et l'autre n'éprouvent plus de sentiments. Avec mes yeux d'enfant, je ne voyais pas l'amour sous cet angle. Je me sens perdu dans le monde des grands. J'ai beau crier, allez, mais personne ne m'entend. Mal à dormir la nuit depuis que papa est parti. Est-ce que c'est de ma faute? Les questions me tourmentent sans répit. J'ai plus envie de jouer dans la cour. Même l'époque ne m'entend pas crier au secours. Est-ce que c'est de ma faute? Maman me dit ne pleure pas, tu comprendras un jour. Moi qui croyais que toute la vie ils resteraient ensemble. Parfois je me demande si à leurs yeux mon avis compte vraiment. Avec pas l'amour sous cet angle. Je me sens perdu dans le monde et grand. J'ai beau crier à l'aide, mais personne ne m'entend. Du silence. Devant le mur du silence. Est-ce que mon avis compte ou pas? Je perds mes repères, je ne comprends pas. Ils veulent refaire leur vie, quitte à refaire la mienne. Ils n'écoutent que leur envie, moi je voudrais tant que papa revienne. Ils m'expliquent qu'ils ne s'aiment plus. Je souris mais je me sens perdu. Est-ce que c'est de ma peau? Maman me dit ne pleure pas, tu comprendras un jour. Si je pouvais faire en sorte qu'ils restent ensemble. Et là j'ai bien peur que l'un et l'autre n'éprouvent plus de sentiments. Avec mes yeux d'enfant, je ne voyais pas l'amour sous cet angle. Je me sens perdu dans le monde des grands. J'ai beau crier à l'aide, mais personne ne m'entend. Dédicace à mon cousin Will, tu connais. Devant le mur du silence. Devant le mur du silence. Ça s'appelle le mur du silence. Voilà. C'est ce qu'on écoutait à l'instant avec Blacko. Exactement, pour donner la parole à ceux qui ne l'ont pas. Voilà. Voilà. Des petits bouts de chou qui subissent des séparations. Parce que moi-même, j'ai vécu ça petit, tu vois. Pour ceux qui ont écouté les sans repères ou différents, ils savent. Donc je me suis mis comme si un petit pouvait écrire ce son et dire à leurs parents, ouais, j'existe moi. Vous vous dites, tu veux refaire ta vie, toi là-bas, mais moi je suis en plein milieu. T'es en plein milieu, ouais. Et c'est en espérant aussi que les couples qui sont dans des situations de séparation, de divorce, d'écouter surtout un petit son. Surtout en 2015. Tu vois, d'écouter un petit son comme ça avec un youth au milieu, peut-être que ça peut faire un travail et de, tu vois. La musique, elle peut faire ça aussi. Elle peut désunir comme réunir. Comme les réunir gens. Les gens, ouais. Voilà. Toi, c'est ce que d'ailleurs, je suppose que maintenant, ouais, l'éducation, on en parlait, toi, de tes enfants, elle doit être différente de ce que tu as vécu, forcément. Tu essayes de. Ouais, j'essaie de donner le mieux, le meilleur de moi. Après, on n'est jamais au maximum, tu vois, on fait des erreurs comme chaque parent. Mais voilà. Moi, c'est le match de ma vie, moi, être papa. Tu vois, c'est mon. C'est moi, ouais, c'est le match de ma life. C'est ça, mon c'est vrai le match. Truc. Voilà, c'est ce match. Il ne faut pas que tu le perdes. Ah non, c'est... on se bataille pour ça. On se bat pour ça tous les jours. On se lève pour ça. Tu les as pas salués? Le? Tu les as pas salués? Qui ça? Les petits bouts de chou. Ah ouais, mais attendez, j'allais le faire à la fin. J'allais le faire en ah oui, c'est l'heure du coucher. Ouais, mais là, ils doivent regarder. Madia, si tu regardes par là, là, elle doit être en train de taper sur le clavier. Bisous Madia, bisous Jaya, bisous Alaya. Voilà mes trois petites princesses. Ouais, les trois petites princesses de Blacko et Rise. Oh. On parle des petites princesses de Rise ou pas? Pas encore, pas encore. Pas encore, enfin, officiellement. Ouais, on veut. Ah. Non, on a toujours fait attention à ces choses-là. Ah bon? Eh bien, regarde la surprise. Ils sont 10 derrière la porte. Coucou les enfants. Ben voici Papa et Rise. On est des professionnels, on fait attention à ces choses. Des professionnels. Qu'est-ce que ça veut dire ce truc? Ah, c'est son truc ça. Non, mais. Qu'est-ce que ça veut dire? Plus jeune, on a fait des petites folies. Ah, voilà, on a fait attention. Voilà, on est tous passés par là. Exactement. Bon, Dualité, l'album, ça sort le 6 novembre, ça n'a pas loupé. Qu'est-ce qu'on passera dans un instant, Blacko? SOS. SOS, très bien. Voilà. Je rappelle aussi quelques dates de tournée, parce qu'il y a des gens qui nous disent ouais, rappelle les dates de tournée. Donc c'est le 6 novembre à La Cigale, Paris. Voilà. À pas louper, Le Havre le 13 novembre, le 20 novembre à Beauvais, le 21 à Nancy, 28 novembre à Oigny, le 3 décembre à Lyon, allez, on va faire décembre aussi, 4 décembre à Esch sur Alzette, j'espère que je prononce bien, 11 décembre à Angers, le 12 à Rennes, le 18 à Istres, 22 janvier à Lausanne et 29 à Chambon-Feugerolles. Il y a une date là, je sais pas si quelqu'un connaît. C'était quoi? Quoi? Ah, Esch sur Alzette? Ouais, c'est où? Je sais pas, c'est Culture Fabrique, je pense que c'est dans l'Est à mon avis. Hein. Ouais. Oh, t'as un truc bizarre. Mais non, c'est pas un truc, mais vu le truc s'appelle Culture Fabrique. Ouais, ouais. Donc je sais pas. Un truc mal géré, quoi. Ça doit être pas grave. Une région que tu connais bien. Luxembourg. Dans un instant, bougez pas sur Skyrock. On revient avec Blacko. Yeah, yeah. Blacko et le projet Dualité, c'est juste après ça. Ladies and gentlemen, 20h-21h, Planet Rap reçoit Blacko. Skyrock. C'est Blacko, notre invité. Je vois que tu... C'est quel portable celui-ci? Ça c'est le tien celui-ci? Blacko avec nous entre 20h et 21h sur Skyrock. Et puis un autre portable qui fonctionne aussi dans l'émission, c'est 06 71 74 84 15. Pour joindre Blacko à n'importe quel moment. D'ailleurs je reçois des messages sympas. C'est vrai? Ouais, enfin, il a pas laissé son nom, mais c'est quelqu'un qui est en prison et qui m'a envoyé, voilà, même en prison on t'écoute. Donc big up à tous les gens qui sont enfermés. Voilà, force à vous. À l'écoute de ce Planet Rap avec Blacko. On avait dit quel morceau? On avait dit SOS. C'était SOS, c'est ça? C'est ça, ouais, c'est ça que j'ai dit. C'est bien ça. C'est bien ça, c'est parti. C'est parti. Là, on va dire SOS, Blacko, l'album Dualité, ça sort le 6 novembre. SOS à l'instant, c'est extrait du projet Dualité. J'ai lancé ma bouteille à la mer, ça y est, c'est lancé. Blacko avec nous entre 20 et 21, l'album sort le 6 novembre. Il y aura encore un extrait dans un instant, il y aura aussi du live. Ouais, avec Monsieur Kubix. Qui est là, qui est prêt. Ah, il est toujours Kubix, prêt. Il a pas lâché la guitare, donc c'est clair. Il est très très prêt, il est très très toujours chaud. Toujours prêt, toujours. Dans un instant, mais juste avant, je vous présente Rizzo de Valence. Salut Rizzo. Comment il va, Blacko? Comment il va, frère? Salut Rizzo. Écoute, on va bien. Et toi? Bien, tranquille. Et toi? Ça va, tranquille, hein. Bon, tout se passe bien à Valence, tu es prêt à venir faire le freestyle par téléphone? Ah ouais, je suis prêt. Tu es chaud? Eh ben, on y va. C'est parti, mon pote, je sais pas, c'est parti, Rizzo. Okay. Harry des écrans, si si, ah, on parle, ok, ah. Yeah, dans la vie, je fais partie de ceux qui se débrouillent. Au bord du gouffre, les nerfs à vide, tout s'écroule. Il faut que j'enroule un, faut qu'on reste soudés. Malgré les épreuves que pourra nous réserver le destin. Un pour tous, tous pour un. Malgré tout, ça se pourrait. Tu tombes avec Gestar, avec ça, c'est pourri. Tout seul dans mon linceul, tout seul dans mes soucis. Sois pas seul, moi j'ai le seum. Quand j'ai le cœur endurci, y'a que quand t'as de l'oseille, que les beaux frères t'estiment. Tu craches sur mon beau-père, toi t'as toute mon estime. Pas de déguisement, costume, c'est sûr que mon cœur saigne. J'ai tâté en 9-9. Et chacun ses principes, je fais mes pailles en deux S. Nique sa mère la musique. Ce que j'ai fait dans le passé, je sais que c'est irréversible. Je suis avec et j'assume, même si ça reste nuisible. La vie est faite pour ça, on reste tout pris pour si. La son que je vais dédicater, on balance trop d'entendu. Sur ça, j'ai beau méditer, toujours un malentendu. Les bâtards à éviter, les embrouillés coups bordus. À la fnac, sur leur CD, il finit dans les bordures. Phase déroulante comme j'ai besoin d'un gros bol d'air pur. J'ai le flow, la tête qui finit par te perdre. Quand je gratte le papier, ça te plaise pour toute sa dure. On veut tout prier, des carcottards de haute couture. Ni sa mère comme tard, on voit le mic de la nocturne. Dans le game, c'est comme ça, la roue bombe pas, il faut que je la bouscule. C'est le son qui dégomme ça. Celui qui donne par le toit, c'est contrôle par les stars. Les tours sont grosses barres. Format A4, un bilan guise Dakar. Bombard jusqu'à AK, pour le gros catastar. Pour les rocs qui die die, baisse les faux qui die die. Soit le rétro bye bye, que je m'arrache en longue taille. Après, je suis à bataille, t'es vénère que le Qatar. Femme le prince du Qatar, moi je partage pas le Qatar. Car tu ne mérites pas ta part. Y'a que les vrais hey, qui savent. Demande à Blaco. Ah oui. Ah ouais, costaud. Ah, hein. Ah, ça rappe, hein. C'est bien, réseau. Hein. Il y avait Rice qui me disait, ouais, il est bon. Il est chaud. Comme je dis dans mon freestyle, t'as dit, on voit le mic de la nocturne. T'inquiète pas, frère, dans ma ville, on est déterminé. Eh ben, voilà, merci frère. À toi, réseau. Où est-ce qu'on peut te retrouver d'ailleurs? Balance 2-3 adresses sur les réseaux sociaux. Tu vas sur Facebook, tu tapes Rizzo Outlaws. Il y a mon beatmaker aussi, grosse dédicace à mon beatmaker. DJ Mej, c'est un bon HLL beat, il arrive, c'est du lourd. Il y a le Jello Style, tu tapes sur YouTube, Rizzo, Facebook, Twitter, ouais. Je suis partout, mon frère. C'est R-I-2-Z-O, hein, c'est ça, hein. R-I-D-Z-O-D, comme d'apart, tu vois. D-Z-O, Rizzo. Blaco, voilà, je voulais te dire, tu donnes la force, mon frère. Merci à toi, frère. Tu donnes la force depuis des années, voilà. Là, merci, on continue la mission. Un disque d'or, allez hop, ça y est, c'est fait. Voilà. C'est le disque d'or. Frère, avant de partir, je vais faire juste une petite dédicace au frère, t'as vu, bon. Vas-y, on t'écoute. DJ Mej, mon frère, c'est normal, le beatmaker. Il y a Kamel qui m'écoute. Il y a Saba, elle va m'épouser bientôt. Saba Beraba, c'est ma petite princesse, c'est comme ça. Et puis voilà. Donc, je fais un bisou à tout le monde. Et j'espère que bientôt, Fred, tu nous invites à cette nocturne-là. Comme ça, on la retourne, nous, ta nocturne. Fais-nous confiance. C'était donc une demande, une invitation. Voilà. Que moi, je vais examiner avec la plus grande des attentions, Rizzo. Tu regretteras pas, ça, c'est sûr. Merci à toi, Rizzo. Bon, Blaco, franchement, yes, ton album, il sort, je vais le prendre à la Fnac. Merci, frérot. C'est le 6 novembre. 6 novembre, la sortie. C'est le 6 novembre, il n'y a pas de souci. Impeccable. À bientôt, Rizzo. Lourd. Bon, à bientôt, j'espère. À très, très, très bientôt. Bonne fin de soirée, les gars. Bien sûr, aussi. Bonne force à toi, DJ Rise aussi. T'inquiète, tes prods, tes phases B, là, on les découpe pour mon freestyle. Merci, la famille. T'inquiète. Merci. Oh, mais j'y regarde, dis-toi, mais j'y regarde comment tu fais des beats et tout. Dédicace à lui, mon frère. Force, mais voilà. Pas vous, les gars. Force, les frères. Bonne fin de soirée, Sky. Merci beaucoup. Ciao. Dualité, ça sort donc le 6 novembre. C'est Blaco, notre invité entre 20 et 21. Dans un instant, on va passer au live. Ok. Un morceau? Ouais, on va se faire tout de suite un morceau. On va mettre quoi? Comme vous voulez, hein. Moi je suis Rêveur, on n'a pas mis Rêveur. Rêveur, ouais, on l'a mis hier. Allez, vas-y, bon, Rêveur, pour ceux qui l'ont raté. On va mettre ce soir, ceux qui l'ont loupé. Rêveur, c'est alright. Un des c'est gros bon morceaux de l'album aussi de Blaco. Ouais. Rêveur, ouais, c'est parti. Will Star à la prod. Wouah. Je me disais qu'un jour je chanterai comme eux. Chanter pour l'esprit qui anime le soleil. Chanter pour rendre les gens heureux. M'envoler dans mes pensées. Laisser le ciel me porter. Sentiment de liberté. J'ai toujours été bercé par leur mélodie. Ils m'ont toujours fasciné quand j'étais petit. Maman regarde l'oiseau s'envoler. J'aimerais t'en faire comme lui. Elle rêves. Sur mes dessins petits, déjà je lui montrais. Elle me regardait avec un sourire aux lèvres. Et je sais maintenant qu'elle me comprenait. Un homme sans rêve, c'est comme un arbre sans vie. Nuance, ne pas confondre rêve et envie. Laisse-moi encore voyager juste en fermant les yeux. Mes images comme seul bagage, je n'ai rien trouvé de mieux. Aucune limite, aucune frontière. Mon troisième œil, je peux voir la terre entière. Je laisserai toujours ces images me guider jusqu'à ce que mon âme décide de me quitter. Oui, elles me mèneront là où je serai heureux. Ces images me permettent de soigner ce qui m'est douloureux. Mais hey, laisse-moi y croire encore, laisse-moi rêver. Hey, hey, hey, laisse-moi y croire avant que ma vie soit achevée. Oh, oh, oh, des yeux remplis d'étoiles. J'ai toujours été sur ma planète. J'ai souri quand j'avais mal. Car j'avais toutes ces images en tête. Entre 20h et 21h, Blacko est avec nous avec son album Dualité qui sort donc le 6 novembre. C'était un extrait à l'instant. Voilà. Qu'on écoutait un extrait qui est. Non, je regardais. Non, il n'est pas dispo. Non, il n'est pas. Ouais. Non, il est passé accroché à mes rêves qui est, voilà, qui est dispo. Ça. Parce que moi, je suis un rêveur. Moi. Ouais. Je suis comme un. Je sais, c'est la parcelle d'enfant que je garde en moi en fait. Mmh. Toujours continuer à rêver dans ce qu'on a envie de faire, dans où on a envie d'aller, même si des fois on sait que c'est utopique et qu'on. Qu'on n'y accédera pas, mais continuer quand même, ça permet d'avancer, voilà. Mais c'est important en même temps. Ouais, mais t'en as des fois qui refusent, tu vois, qui, ah oui, qui se disent que c'est gâté, que c'est fini, et, tu vois. Mais c'est jamais fini. C'est fini que quand c'est ordonné par là-haut, tu vois. Sinon, faut aller en avant. Bah c'est bien, attends, c'est bien. On a tous plein de rêves encore. mais il faut les alimenter chaque jour. Il faut les alimenter chaque jour. Ouais. Voilà. Blacko avec nous et du live maintenant, Blacko, si tu veux bien. Live. Ah ouais, avec plaisir. Cubic, c'est là aussi, il est à la guitare. Il nous accompagne entre 20 et 21. Voilà. Encore un peu de zénith. Est-ce qu'on va se mettre bien là? Ouais, on va se mettre très bien. Très très bien. Très très bien. Allez, alors, c'est parti. Allez-y. Allez, let's go. La vie ne tient qu'à un fil sur lequel je cherche l'équilibre. Elle n'est pas un long fleuve tranquille. Dès la naissance, c'est un combat qui se livre. Vivre, c'est apprendre. Être libre, c'est comprendre qu'il n'y a que la foi qui délivre. Et personne n'est parfait. Des mauvais choix, j'en ai fait. Je sais, j'en ai conscience, mais je ne vis pas dans le regret. Non, je ne suis pas un ange. Non, je ne suis pas un démon. Seul Dieu et mes véritables proches savent si mon cœur est bon. Je cherche l'équilibre entre le bien et le mal. Et je n'ai qu'une vie à vivre. Je veux profiter avant le décollage final. Wow, wow, wow. On est tous à la quête du bonheur. On cherche tous une vie meilleure. Oui. On oublie souvent que la richesse première est intérieure. Ah, l'âme a une valeur. À moi d'écouter mon cœur. Je sais que Babylone fera tout pour m'induire en erreur. Si je veux rester solide, je dois continuer à aimer et garder l'esprit lucide pour ne pas laisser la colère m'aveugler. Wow, wow, wow. Prends ce que tu te donnes, donne sans attendre qu'on te donne. Donne le meilleur de ta personne. Every day, bon est celui qui pardonne. Rappelle-toi que tu n'es qu'un homme avant que ta dernière heure sonne. Wow, wow, wow. Libère ta conscience, fais confiance à tes sens. Le malin voudra te tromper, te fie pas aux apparences. Regarde, tout a un sens, c'est comme une évidence. Je ne suis qu'une poussière d'étoiles dans un univers immense. Je cherche l'équilibre, et si Dieu veut, je l'obtiendrai. Ouais, ouais, ouais, mon âme danse sur un fil, et si Dieu veut, je tiendrai. One, one. Je garde les pieds sur terre, mais mon esprit aime s'évader. Entre l'ombre et la lumière, je pars, oui, je me laisse aller. Je laisse mon âme se balader au cœur de l'infini. L'équilibre, elle n'est pas un long fleuve tranquille. Dès la naissance, c'est un combat qui se livre. Vivre, c'est apprendre. Être libre, c'est comprendre qu'il n'y a que la foi qui délivre. Équilibre, garde l'équilibre. Ouais, ouais, ouais. Équilibre. Oh, oh, oh yeah. Blaco Cubix, je sais mais. Ouais, c'est ça, frère. Garde l'équilibre. Voilà, petite version acoustique. All right. Yeah. All right. Pour détendre un peu les gens vénères, c'est comme ça qu'on fait. Alors on envoie un autre. C'est pas fini. On y va sans filet direct. Oh oh oh, tu le sais, tu le sais. Seul amour me porte chaque jour. Il me donne l'envie d'exister. Et Dieu merci, j'ai une famille, des amis qui m'entourent. L'île où j'aime me réfugier. La vie est courte, demain ça pourrait être mon tour. À tout moment la vie peut me quitter. Alors je profite de chaque instant et je savoure, ouais. Chaque seconde le temps est compté, wow. Je peux pas faire semblant, faire semblant d'être heureux quand je ne le suis pas. Non, je peux pas faire semblant, faire semblant. Jouer un rôle, ça ne m'intéresse pas. Let go, hey, je continuerai de chanter haut et fort, hey, attaché à mes valeurs, les défendre jusqu'à la mort. Laissez-moi donc suivre ma bonne étoile. Yeah, yeah, yes. Si Dieu veut demain, ça ira mieux. Si Dieu veut demain, j'aurai moins mal, boy. Seul amour me porte chaque jour. Il me donne l'envie d'exister. Et Dieu merci, j'ai une famille, des amis qui m'entourent, ouais. L'île où j'aime me réfugier. La vie est courte, demain ça pourrait être mon tour. À tout moment la vie peut me quitter. Alors je profite de chaque instant et je savoure, ouais. Chaque seconde le temps est compté, hey. Non, je peux pas faire semblant, faire semblant, hey. Non, je peux pas faire semblant, faire semblant. De toute façon, le regard ne trompe pas. Hey, pourquoi se mentir à soi-même? Moi, je ne peux faire semblant d'aimer. Hey, mon pire défaut, mon grand problème, c'est de pas toujours trouver les bons mots pour parler. Oh, je suis rêveur, mais je garde l'esprit en éveil. Chaque jour, j'essaie d'être meilleur que la veille. Ce n'est pas chose facile, mais bon, quand même, j'essaie. Je garde la foi, je suis un enfant du soleil. Seul amour me porte chaque jour, every day. Il me donne l'envie d'exister. Et Dieu merci, j'ai une famille, des amis qui m'entourent. Wow, l'île où j'aime me réfugier. La vie est courte, demain ça pourrait être mon tour. À tout moment la vie peut me quitter. Alors je profite de chaque instant et je savoure, ouais. Et maintenant il est temps un peu d'improviser. Je peux pas faire semblant, faire semblant. Surtout quand je dois chanter pour la jeunesse. Non, je peux pas faire semblant, faire semblant. Et la musique a des lettres de noblesse. Et moi j'aime chanter devant mon papa, devant mes enfants. J'ai pas le temps de faire n'importe quoi et faire le charlatan. Je chante avec mon cœur et mon esprit, et ça tu le ressens. Et avec Cubix qui m'accompagne à présent. Oh, chanter, c'est ce que j'aime faire depuis long time. Chanter, je le ferai jusqu'à la fin de ma vie. Ouais, je te le dis, mais toujours avec du love et un peu d'harmonie. Car seul amour me porte chaque jour, et me donne l'envie d'exister. Et Dieu merci, j'ai une famille, des amis qui m'entourent. L'île où j'aime réfugié. La vie est courte, demain ça pourrait être mon tour. À tout moment la vie peut me quitter. Alors je profite de chaque instant et je savoure, ouais. Chaque seconde le temps est compté. Oh yeah. Des tiens, voilà. Partage le love avec les tiens everyday, c'est ça la chose importante. Je l'ai déjà dit à long time, on n'est pas là pour partager des balles ni des billets. Juste du love, rien que du love, only love. Oh oh oh oh oh oh oh. One. Très bien, yes. Alright, alright. Écoute, on s'est régalé. Un peu de douceur. Version acoustique avec un peu de douceur à l'instant. Voilà, nous, c'est comme ça qu'on aime la musique, tu vois. Merci à Cubix qui était là. Cubix, big up. Bravo, bravo, merci Cubix. All right. En live à l'instant, donc allez voir Blacko aussi hein, sur scène. Ouais, voilà. Voilà, pour s'amuser, partager des bonnes vibes et tout. C'est là qu'on s'éclate le mieux, quoi. Et puis tu donnes. Donc venez nombreux. Ça mouille le maillot, hein. Tu vois, même juste là pour un petit live, alors qu'on s'est sur scène, frère, ça cavale partout, truc. On aime bien ça. Bon, allez voir justement. On vit ce qu'on chante, tu vois. Donc, le voilà. 6 novembre, notamment à la Cigale de Paris, puis le 13 novembre au Havre. Toutes les autres dates sont sur les réseaux sociaux. Blacko officiel partout. Blacko officiel, on fera tourner à la roulette dans un instant. Inscription 41759. On a encore un petit peu de temps. Ok. On glisse vers un son, vers. Ouais, pourquoi pas. Rise, tiens, toi, vas-y, choisis-toi un petit peu, fais-toi plaisir. Un qu'on a peut-être pas encore écouté. Ou un qu'on a écouté, comme tu veux. On a écouté. Allez, mais je suis ce que je suis, j'aime bien ça. Ouais, c'est un des morceaux en plus qui a été demandé. C'est vrai. Je suis ce que je suis, ça sort le 6 novembre. Big up sur l'album. Darkness, tu connais. Duel. Pas celui-là. Papa Dog. Il écoute là, bon. Bon. Un jour ce serait des disques d'or qu'on ramènerait. Remember. À l'époque on s'en foutait. On voulait juste kicker, tout niquer, on kiffait. Un stylo du papier. Pour refaire le monde c'était tout ce qu'il nous fallait. Je rêvais de réussir. Je n'ai rien laissé me décourager. Mais de galère j'ai dû franchir. Chanter m'a toujours soulagé. Je me suis mis à rêver. Pour moi c'était aussi par nécessité. Cela m'a permis de ne pas tenir les murs de la cité. Avertir, je ne chanterai ni pour amuser ni pour pervertir. Je ne baisserai pas mon propre pour plus de notoriété. Je ne fais pas dans la science-fiction, je préfère la réalité. Je rêvais de réussir, je n'ai rien laissé me décourager. Mais les galères j'ai dû franchir, chanter m'a toujours soulagé. Je me suis mis à rêver, pour moi c'était aussi par nécessité. Cela m'a permis de ne pas tenir les murs de la cité. Le 6 novembre, dualité. Ouais, faut pas oublier. Ah ouais. Rise. Je suis ce que je suis, Blacko, voilà. Avec nous entre 20 et 21. Peu importe ce que les gens y pensent ou truc, on est ce qu'on est. Voilà. Entre 20h et 21h, l'album s'appelle Dualité. Hein, on a retrouvé Zincave. Zincave. Ah ouais. Oh Blacko, bien ou quoi? Cool, et toi, en forme? On est là, tu fais plaisir de te voir. Mais présente-nous Zincave quand même, parce que c'est vrai que nous on le connaît bien, mais. Eh ben Zincave, c'est. Souvent je le croisais quand on était avec Didier, tout ça, avec BOSS. Avec BOSS. On se croisait souvent sur la route. Et voilà quoi, c'est fait partie du panel des anciens, comme on dit un peu. Ah, incroyable. Eh ouais, qu'est-ce que tu veux, papa? C'est comme ça, hein, 9-3, hein, connection. Ça, Zincave, en forme? Là, toujours. T'as écouté un peu ce qu'a fait Blacko là? Dualité, ça sort le 6 novembre. Obligé. Ah ouais. Avant de faire tourner la roulette, peut-être un dernier petit appel. 06 71 74 84 15. C'est le standard. Enfin, c'est le standard. C'est la ligne directe. Voilà. De Planète Rap pour joindre Blacko cette semaine. 06 71 74 84 15. Ah ouais, mais s'il n'y a plus de batterie, on va plus. Ça va être compliqué. Ah ouais, il est mort. Ça y est, il est mort. Ah ouais, il est cuit. Ah ouais, il est cuit. Il a trop sonné, je crois. Ah, il a trop sonné celui-ci. Ouais, c'est dead. Bon, bah demain. Demain. On fera ça demain. C'est fini. 06 71 74. Ouais, plus rien. Les gars, il n'y a plus rien. Il est cuit. Plus de batterie. Le truc est totalement cuit. Je vous le montre. C'est pas une escroquerie. Il y a d'autres. Ah, mais il y a trop d'appels depuis tout à l'heure. J'ai vu 240 appels en absence. Je sais pas combien. En l'espace d'une minute. Incroyable, quand même. Incroyable. Incroyable. Bon, on fait tourner la roulette. Allez, c'est parti. Est-ce qu'il y a du monde ce soir? What the fuck? Skyrock t'offre la tournée du nouveau disque d'or du rap français, Youssoupha. Youssoupha. Plus ton kit de fringues pour aller au concert. What the fuck? La roulette qui tourne avec Maxime de Bourges. Ouais. Comment ça va, Maxime? Salut, Maxime. Ah, ça va. Ah, il y a un enfant. Hein. Je crois que Maxime suit les conseils de Blacko. Voilà, on écoute ça en musique et en famille. Ouais. Voilà, c'est ça. Ça va, les gars? Ça va, et toi, Maxime? Impeccable. Hein. Donc, je suis là sur le net, impeccable. Hein. Donc, jeune daron, si je comprends bien, Maxime, c'est ça, toi c'est aussi? C'est ça. Voilà, bienvenue dans le Dad Game. Et ouais, c'est ça. Tu es prêt à faire tourner la roulette tout de suite? Ouais, on est prêt. C'était trop mignon. Ouais. Derrière. Ils font du bruit à cause de moi. On voit ce soir à trois personnes de ton entourage. Et bah c'est fait, Maxime. Ah bah, impeccable. Maxime, c'est le concert de Youssoupha, la tournée de Youssoupha, pas loupé. Bon, elle passe près de chez toi. Il y a deux places qui t'attendent et les fringues. What the fuck? Avec casquette. Voilà. Avec t-shirt, nickel, avec caleçon même. Tu veux passer une petite dédicace? Vas-y, c'est on t'écoute, parti. Maxime. Alors je voudrais passer une petite dédicace à Ben, Juju. Et puis tous ceux qui me reconnaîtront, puis Skyrock et Blacko, continue comme ça. Merci à toi, frère. Merci beaucoup. Ouais, continue comme ça. Merci à toi, Maxime. Merci, Maxime. Ciao, passe une bonne soirée. Merci à Blacko aussi pour cette nouvelle soirée. Merci à toi, comme d'hab, ça te fait plaisir. On va saluer Cubix qui était là donc une fois de plus, qui était à la guitare tout à l'heure. On va saluer Rise qui était au micro. Eh oui. on est une équipe de jeunes crânes rasés barbus. Ah, c'est vrai, ça. Il y a quelque chose. Rise se dévoile. Ah oui, il y a quelque chose. Bon, on ne demande pas à Blacko parce que là on voit lui. À moins qu'il soit chauve là-dessus. C'est pour ça que j'ai mis le bonnet. Et qu'il y a quelques raids qui poussent sur les côtés derrière. Sinon, ça veut dire c'est cuit après. Ah, c'est cuit. Ah ouais. Ça a bien poussé en même temps. Ça pousse, hein? Ouais, ça pousse de plus en plus. Ça fait déjà 10 ans, 10 ouais, 10 ans. Ah bah je me souviens, à l'époque, les tout premiers snipers, justement, c'était un peu moins long. Ah, c'était tout à fait moins long. C'était plus proche des Rise. Voilà. Même très proche. Bon, merci à vous en tout cas pour cette soirée. On finit donc sur un petit conseil beauté et coiffure. Donc le mieux, c'est de revenir demain pour la suite. Et dans un instant, on va retrouver la radio libre de Difool. Vous pouvez joindre tout le monde au 01 53 40 30 20, la radio libre en direct. 01 53 40 30 20 pour passer à l'antenne. Un petit peu de pub, je crois qu'elles sont de Big Flo et Oli qui arrivent. C'est ça, je me suis pas trompé. Ouais, dans le planning. Exactement, frère. Et tout le monde arrive, tout le monde s'installe pour la radio libre. Yes. C'est parti. Boudou. Il les appelle dans toute la France.